gens exigeants. On instaure l'ambiance, tu vois ce que je veux dire, what I'm saying. Écoutez. Hey, tu es Wisman, B.Y., venez, on sort, non? Le rap c'est violent, chacun a son point de vue. Wow. Toi que deviens mieux qu'on vous perd de vue. Tu nous vois dans les rues pour un but ultime. With Borley, bitch Borley. Avec ma photo, ta bitch est partie. Contre dans le dossier, je vais faire un génocide. En remballe ces négros sans ouvrir le carton. Envoie le custy que je te fasse un carton. La tease me fait voir d'une drôle de façon. Ta go m'aborde d'une drôle de façon. Dans ma team on est 6, bientôt à la une. On cible les étoiles pour toucher la lune. La soirée vient de commencer, la tease commence à faire effet. Mon côté obscur fait surface, je m'enferme souvent derrière mon masque. On se doit de toujours rester classe, dans n'importe quelle situation. Tout ce qui fait mon quotidien négro fait mon inspiration. Je me lance dans le peur à négro sans aucune hésitation. Donc passe la potion. Vas-y passe la pause, reviens de loin pour vous la mettre de près. Avec ma team on vise le sommet. On succès, ceux qui ont le succès. Rien ni personne ne peut nous perturber. Au premier rond vous êtes tous couchés. Vos rappeurs sont tous fatigués. Seigneur j'ai des choses à me reprocher. Je navigue pas sur les mers mais je fais que pêcher. Nero. Du carré ponteux au moulin rouge, yeah. Envoie la bleue, yeah. Retire ta blouse. Ce soir la salle va faire des secousses, yeah. Ce soir ton crâne va subir des secousses, yeah. Personne ne viendra à ta rescousse, ah. Elle veut m'oublier mais je crois qu'elle a du mal. Elle veut me tuer autant qu'elle se mette une balle dans le crâne. Putain mais qu'est-ce qui se passe sur la tête de ma mère que je vais laisser ma trace. Je te jure que ce soir on va se mettre une race. On va multiplier les piliers et les tasses, hein. Je serai trop loin pour ces négros donc ils parlent derrière moi. Je fais mouiller leur go donc ils ont le mort contre moi. Je suis dans le club sans mes potes, tous des putes. J'avance seul et j'écoute personne sur cette petite voix. Baisse des roses, on crache sur ces négros. Augmente la dose de codéine dans ce sirop. Je dois rester loin, je dois rester flat. Pour oublier les merdes qu'on m'a faites et les coups bas. Je reste dans sa tête, est-ce pour jusqu'au coma. faut que tu baisses un tout petit peu le son de son. Faut que tu mettes le, en fond sonore, comme ça on entend les voix. Du coup, le premier son qui est passé, je sais plus c'était quoi, mais bon, bref. Ok, en direct, j'ai sorti le 27. Le 27 dernier, c'était 27 avril. 27 avril ? Le 27 avril 2022, j'ai sorti un bootleg qui s'appelle Twilchi Bootleg Before Twil Star Volume 1. Et c'est fait par Young Silver. Mais avant tout, je vais vous présenter le Drug Castle, le DCS. Qu'est-ce que tu connais du Drug Castle ? Qu'est-ce que le mot Drug Castle t'inspire ? Selon moi, Drug Castle, c'est de la drogue et un château. Si seulement c'est toi qui... Tu peux confirmer ce que je viens de dire ? Le château de la drogue ? I don't know. Ok, on y va, on commence doucement. Ça, c'est moi qui ai fait la prod. Chavir, prod, Rained by Pink Prince and Chat Purple. Furtif, Purple Cat. Furtif sur Radio Metanoia. Accompagné par... Comment on augmente le son ? Siol. Comment on augmente le son ? Je crois que c'est chat violet. Thank you. avant, mercredi prochain, on peut enregistrer mon parti. Il était noir. Oui, j'ai dit que on est jusqu'à 17h sur le site de pinode.org, nos amis qui nous hébergent. Et à 17h on est Arigato. Arigato Pinode. Et à 17h c'est l'émission sur les ondes FM à Mulhouse et à Paris. Voilà, sur le FM des. Lui, il est trilingue, quatrilingue, cinq langues. Oui. Je crois, non ? Je t'ai vu parler. Yes. Arigato. Tu peux parler. Konnichiwa. Arigato. Tu peux prendre un micro ? Comme ça, on... Mais sinon, les gens ne comprennent rien. Hein ? Mais ici, on vient à la radio, pas seulement au café. Il faut participer. En fait, l'idée, c'est que, comme c'est une radio, les gens ne nous voient pas, mais ils suivent nos conversations par la voix. Donc, si vous pouvez parler au micro, juste ça. Allez-y, madame, présentez-vous. Attendez. Oui, allez-y, bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être ? Attendez. Encore. Allô, ça c'est bon, non ? Oui, là c'est bon. Ça c'est bon, ok. Oui, bonjour. On est la première fois assister à votre émission. On est étudiante stagiaire de deuxième année de l'école de IFC de Villevra. Et on est ravis et très contents de venir. Et faire la connaissance avec votre atelier, avec vos passions. Tout à l'heure, monsieur, il a dit que vous maîtrisez... C'est monsieur ? Fertif. Vous pouvez m'appeler Aïsifu. Aïsifu, d'accord, ok. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous maîtrisez 11 langues, non ? Comment ? 4 langues. Ah, c'est formidable. Allemand. Oui. japonais. Oui. Français, malgache, anglais. Ça fait combien? Ah, c'est très bien. Et Chili aussi, Chili. Chilien. Ok. Et aussi Maroc, Algérie. Ah oui. Algérien. Ça regroupe la langue arabe. Tiens. Les Maghrébins, oui. Ça regroupe la langue arabe. Les Maghrébins. Ah, c'est formidable, c'est très bien. Et vous avez appris où tout ça? Alors là. Alors là, grâce au Underrebel, grâce à Ken Rebel. D'accord. C'est grâce à Ken Rebel que j'arrive à parler japonais. Ah, c'est très bien. C'est formidable. À l'époque de 2015, c'est à cause de Ko peut-être. Ko, il s'appelle K-O-2-S-2-H. Et il est venu à Paris, ça a peut-être influencé mes pensées avec la breakfast. D'accord. Ok, c'est très bien, merci. Non, je n'entends pas, je n'entends pas. Oui, là j'entends, mais là pourquoi je n'entends pas? Allô. Oh. Bon, on a des petits détails techniques comme d'habitude. Radio Metanoia, c'est la radio pour l'instant à l'arrache qu'on fait des choses qu'on peut dire de manière improvisée, mais ça va. Bon, et donc on a un programme. Il y a Judith Sommen qui vient de partir, qui nous a fait un poème préventif sur la guerre. Et voilà, Furtif qui a fait sa présentation des mixtapes. Lui. Et Loïc Siol, qui va présenter aussi sa musique. Oui, c'est moi, Siol. C'est comment s'appelle ta musique? Je rayonne d'amour et de bonheur. Waouh, c'est ce qu'il nous faut. Voilà, non? Il nous faut un peu de ça. Hein. Et Vincent qui est parti est sur la géographie. Alain, tu parles de quoi? Moi, je vais mettre mon dernier son. Il est musicien ici, c'est la joie. En fait, excusez-moi de vous interrompre, j'ai deux sons à vous faire écouter. C'est une intro qui s'appelle Je me lance, l'intro de l'album Deep Rap que je vais sortir aujourd'hui. Et oui, mais ça sort dans quelques heures. Et il y a beaucoup de sorciers qui vont sortir. Et du coup, je me lance. Ouais, je me lance, c'est l'intro. Et du coup, ensuite, je passerai Je rayonne d'amour et de bonheur. Car la suite de l'album, ça va de l'émotion mélancolique à la tristesse. Et ensuite, ça passe directement à la joie. Et ouais, l'espoir. Wow. Voilà. Tu peux mettre un peu ton... Bien sûr, je peux commencer par Je me lance. Oui. Merci. C'est... Est-ce que Dr Marella pourra chanter une chanson après? Ah oui. Après. Oui, il va nous présenter à son nouvel album aussi. Ok, donc je me lance. On se lance tous. Je me lance. Oui, je me lance. À travers cet album, je tiens à exprimer mes souffrances et mes émotions. Je pointe du doigt les abuseurs d'enfants qu'ils commettent chaque jour, qu'ils ont commis envers moi, envers des proches. Et envers des enfants partout dans le monde. Je réclame justice, mais ma famille est dans le déni. Je réclame le jugement, mais ces genres de gens ne sont pas jugés, pas maintenant. Pas moi qui va te juger, tu le seras bien tôt ou tard. Dieu ou la justice s'en chargera pour moi. C'était Siol, il vient du 93, you know what I'm saying? Rock alternative. C'est exactement ça le type de music, music type. Ok, oui. Ok, donc maintenant je tiens à vous présenter Je rayonne d'amour et de bonheur. Donc c'est l'avant-dernière musique de l'album. Et celle-ci est plus dans la joie et dans l'acceptation de soi. Et du coup, voilà, je me lance, c'est parti. On se lance. Ma vie, je me libère pour répondre aux appels de mon âme. Je crois en ma capacité à réussir. J'attire la santé, le bonheur et l'amour. Chaque jour, j'avance sur le chemin de la guérison, de l'amélioration. Je prends soin de moi, mais ma fin de traiter à mon corps, à quel point je l'aime. Oui, voilà, c'était Je rayonne d'amour et de bonheur. Merci d'avoir écouté. Ça sort aujourd'hui, tu dis, hein. Ça sort aujourd'hui, je sais pas à quelle heure, je pense que ça sortira sûrement ce soir. Et je sais pas réellement comment ça va se faire, mais ça sortira sur les plateformes, donc SoundCloud en premier, SoundCloud. Oui. Et ensuite, je compte les faire sortir sur les plateformes de streaming plus poussées, donc Spotify, Deezer, ouais. Instagram. J'attends d'avoir des dates pour ça et surtout des reviews par rapport à SoundCloud qui justement me distribue mes musiques. Ah oui. J'attends d'avoir leur accord. Et du coup, ça prendra un certain temps. Normalement, c'est le 20 juin que sera fait la distribution sur les plateformes. Et c'est SoundCloud qui s'occupe de distribuer ta musique ou oui, tu as un agent, tu fais comment toi? C'est ça. En fait, avec SoundCloud, en prenant l'abonnement premium, et en fait, on est directement inclus dans le programme Riposte qui nous permet en fait de distribuer notre musique un peu partout. Donc on paye un abonnement mensuel ou annuel, oui. Dans mon cas c'est mensuel, et grâce à ça en fait on peut être distribué, on peut avoir des promotions, on peut avoir pas mal de visibilité en tout cas, ouais. Ce qu'il faut c'est juste je pense être patient et choisir sa voie et être qui on est, ne pas se faire, enfin on a toujours de l'influence envers les artistes qu'on écoute. Avoir de l'inspiration par rapport à eux, c'est normal. Mais je pense qu'il faut avoir toujours cet esprit de créativité, d'être vraiment nous et de vouloir expérimenter des choses, de vouloir mélanger des styles, de vouloir être nous, tout simplement nous. Et je pense que n'importe qui sur Terre ou n'importe qui dans le monde peut avoir la chance d'exprimer ses émotions à travers la musique. Et c'est une grande chance pour nous d'avoir la musique. Et il faut continuer comme ça, il faut que plusieurs personnes s'y mettent, parce que c'est comme ça, on a tous ce don, et c'est pas un talent ou quelque chose qu'on peut être né avec un talent, mais on peut le développer, et tout peut se faire. Oui, oui, c'est excellent ce que tu dis là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on peut composer la musique et se faire aider à diffuser par ces plateformes automatique, plus ou moins, non ? C'est ça. En fait, en quelque sorte, pour faire simple, on distribue notre musique premièrement sur notre page SoundCloud et ensuite, si la musique respecte bien les conditions, si elle n'est pas trop, on va dire, explicite, si elle n'est pas trop, comment dire, si elle est, enfin, si elle est clean dans le sens au niveau de la qualité. Au niveau des vues. Au niveau des vues aussi, c'est vrai, mais au niveau aussi de la qualité audio. Toutes les plateformes demandent des qualités audio, qualité CD. Oui, effectivement. Et là, on en revient à... Tu sais. Effectivement, mais là, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. En Amérique, il y a beaucoup de trap house, tu vois. Et là-bas... En Amérique, ils ont le droit d'acheter des armes pour protéger leur trap, pour protéger leur lieu de travail. Exactement, pour protéger leur lieu de travail, en Amérique, le port d'armes est autorisé. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'avais envie de dire ça, c'est tout. Bah, au moins, tu as pu t'exprimer, c'est ce qui compte. Et Alain aussi, il y en a un autre compositeur là, qui fait sa musique sur SoundCloud aussi, d'autres choses. Bon, tu peux en parler un peu de ton expérience. Moi, j'ai pas spécialement d'expérience. Comment dire, moi, ça fait 10 ans, je mets des sons sur SoundCloud, ça n'a jamais décollé. J'ai 5000 lectures en tout sur mes 3 profils. Mais à part ça, tout va bien. Après, j'ai pas pris l'abonnement premium, moi. L'abonnement premium change rien en quelque sorte. L'abonnement premium sert juste à distribuer nos musiques, mais ça change pas le fait qu'on est moins visible. Il y avait un temps où SoundCloud, ou je sais pas si tu l'as connu. C'est pour surtout écouter les artistes. SoundCloud. Oh, c'est bon, let's go. Oui, oui, hey. Oui. Oh. Straight up. Ouais, du coup, SoundCloud, c'est l'underground. Et c'est le hip-hop, en fait. Alors que le mainstream, les plateformes de streaming, les maisons de disques, tout ça... C'est derrière tout ça, tu vois. Un underground boy, c'est quelqu'un qui est comme t'as dit, qui est soi-même, qui reste soi-même. Exactement, tout à fait. Mais là où je voulais en venir par rapport à SoundCloud et à ce qui s'est passé durant... On m'entend ? Allô ? SoundCloud, à l'époque, quand SoundCloud venait de commencer à sortir, à commencer sur son site web, ils avaient proposé plein de d'astuces et de fonctionnalités par rapport au groupe. Donc on pouvait distribuer notre musique. Vas-y, j'essaie de qualifier un peu parce que... Ok. Donc SoundCloud, à l'époque, je pense que c'était en 2012... proposer des solutions pour pouvoir justement avoir beaucoup de visibilité en termes d'artistes amateurs. Malheureusement, ça a été annulé en 2016, il me semble, car les artistes professionnels sont arrivés et du coup, ils ont retiré les groupes. Car les groupes, en fait, nous servaient justement à pouvoir poster nos musiques et à être visibles en termes avec la communauté. En fait, la communauté entière pouvait... voir nos musiques, écouter nos musiques, s'abonner à notre chaîne et avoir des échanges vraiment incroyables. Et depuis ce changement, en fait, on n'a plus de visibilité, on a vraiment du mal à être visible par les auditeurs, car les artistes professionnels prennent toute la place. Et c'est comme ça. Maintenant, pour se faire remarquer sur SoundCloud, il faut avoir beaucoup de promotion, beaucoup de communication dans les réseaux. Écoute, j'ai 2400 followers sur SoundCloud. Je suis ravi pour toi. Tu Ah bah c'est la ravivance. Ouais, je suis content pour toi, c'est très bien. Ah, est-ce que je t'ai coupé la parole en fait ? Pas du tout, non. Ok. Moi je veux une chanson. On veut mettre du son, faut mettre du son là. Non, je veux une chanson. Bah je dois présenter ma mixtape, on avait dit. Ouais, ah non. C'est à 5h les lives, on n'est pas encore en live, on est 16h, j'ai 4h30. Ah oui. On est en plein répétition. Merci. Ok. Non, c'est pas sérieux là. On n'est pas sérieux. On n'est pas là pour rigoler, on est là pour faire la fête. Donc tu mets ça. Ok, là, Alain. Bah oui, tu peux sortir là, ici, liberté. Ah ouais, moi aussi. Madame, c'est quoi votre prénom là ? Vous avez trouvé ou pas ? Il faut qu'il vous trouve un prénom et une chose à dire. C'est le prix du café, hein ? C'est un peu de parole pour la radio. Voilà, donc on va. En attendant qu'il y a du café qui se sert là à la radio Metanoia, on est en train de trouver Alain qui s'appelle aussi Dask, que vous avez déjà entendu à Radio Metanoia. Il va nous montrer un morceau qu'il lui-même il va présenter en attendant le 17h de Radio Metanoia. C'est un morceau comme ça, un peu à l'arrache, il fait à 3h du matin. C'est pour ça que j'ai pas la voix très claire tout le temps. Mais bon. Pourquoi ça marche pas ? J'embrasse la piste en tant que masse. Explose le thoracique dragon, la gnose de l'hérétique. Siphon perfore les yeux critiques. Serre fort sa nébuleuse mystique. Divertige à prétige qui expose la maîtresse lige. Les traîtresses piges. Creuse. Fait des tiges, les mecs qui font le buzz sont pleins. 3-1, le flash dresse les. Le flash. Le flash dresse les mages, grâce à flèche en âge. Esprit changeant de trace, la piste en tant que masse. Explose le thoracique dragon, la gnose de l'hérétique. Siphon perfore les yeux critiques. Serre fort sa nébuleuse mystique. Divertige après tige, qui expose la maîtresse lige. Les traîtresses piges. Fait des tiges, les mecs qui font le buzz sont pleins. 3-1, des deux, la lumière bleue saute à tes yeux. T'endors, te rend vieux, t'explores le grand jeu. La facette invisible, dans l'espèce c'est la cible. Bon, la pièce est risible. Les acteurs sont minables, le réel me court, le rap. L'idéal serait que le bal s'arrête tout court. Mais la musique arrive après les spots. Donc je patiente, j'attends qu'il n'y ait plus de flics dans mon escorte, que j'embrouille de la sorte pour que la cohorte de tétards rentre avant qu'il soit trop tard, avant que la vie prenne dans l'art et que la tisse sorte de l'atelier des morts. Les infidèles vulgaires restent dans les assiettes, niet me dit-elle, les médite bien cette querelle, les raisons de la colère et les raisins de la corbière. Mon guerre et même tête, que c'est fini ta mise en guerre, ta vie sera piède, tu es pleutre. Seul Turc, la vérité, l'authentique véracité de ses propos, t'as déhanti pour moitié, te rosse l'ego, te le masse en toute vanité. Nico, la métaphore subtile pour subtiliser ta fierté quand t'as merdé en toute beauté. Premier ou dernier, t'es sur une liste qui s'allonge à chaque fois qu'un con songe, qui serait étrange d'éponger la frange quand semble à la fin éteint et vivant le feu, porté à telle température qu'il en serait bleu. Ta flamme t'a brûlé, t'as trop joué avec, t'as fait le gaz sélect pour certaines chelettes. Quand la négligence aura fait son taf, j'serais perdu, pire que la France et ses faves. À des moments perdus, je me suis entendu en rire. J'suis triste, mais j'suis pas sire. J'suis quoi, un triste clone? Pourquoi ils se foutent de ma gueule comme Danny Bone? J'cristallise ma dévelle, un petit bout qui se frite comme du shit. Qui tiennent du mépris pour soi-même, c'est le rite. Débiter des rimes en cristal quand on te sait des vitres. Les miennes, c'est du vitrail pour colorer la lumière avec laquelle j'm'éclaire. Et la part de grisaille qui me revient. Je tiens sans rien que personne ne détient. Vaut bien, il vaut bien. Sans rien en comparaison du mien. Oh. Allô, allô, allô, allô, allô, allô, allô, oh, oh, oh, oh, oh. C'était Dusk. Dusk, il nous montrait sa dernière création, là. Dusk, tu peux nous parler un peu de ça, ta dernière compo, là? Ouais, c'était une instru posée que j'ai piratée par un mec qui les... J'ai piraté un gars qui les vend, bon, c'est pas bien. Elle était posée, l'instru, je me suis dit, je vais poser un flow calme, je vais pas m'énerver, je vais être tranquille. Et voilà, c'est ça que ça a donné. Oui, c'est vrai, parce qu'on a un flow superposé, quoi. On est loin de rap énervé. C'est voilà. C'est du café de qualité, hein. C'est du coffee de qualité, hein. C'est pas vrai. Vas-y. Je voudrais juste réagir par rapport à la musique qui vient de passer. Je suis très fan du boom bap, je suis très très fan de ça et j'admire vraiment le côté créatif d'Alain et donc son Dusk. Et du coup, voilà, je voudrais juste gros big up à lui. J'ai pas tout. Et merci. Et on va y arriver. Je pense qu'il y a plusieurs possibilités pour être visible et pour partager notre musique. Et on a tous nos capacités et on va y arriver. Et tout le monde ici, dans cette salle, peut arriver à accomplir des choses incroyables. Et voilà. Restez qui nous sommes. Il faut rester qui on est et c'est tout. Voilà, voilà. Et toi, Coyle, à quelle heure tu as une heure que ça sort ta musique ou pas? Mon album, je sais pas. Je pense que d'ici, allez, 20h, je sortirai l'album. 20h. Ouais, ok. Mais mercredi prochain, tu nous viendras à dire un peu plus. Bien sûr, pas de problème. Ouais. Je ferai des retours. Je vais déjà te chercher parce que là, je suis fortif, je suis abonné. C'est quoi ton nom sur SoundCloud? SoundCloud, c'est Siol, Loïc à l'envers. C-I-O-L, ouais. Avec deux I, enfin les I tréma, enfin le I, deux petits points, deux petits points. I avec deux petits points. C'est ça, Siol. Et c'est celui qui a 10 abonnés, c'est moi. Siol, Loïc, Acidburn. Oui, c'est ça. Acidburn, c'est mon alter ego, celui qui rappe et qui... Ah, c'est stylé. Siol, c'est des instruments, enfin c'est celui qui s'exprime à travers les instruments. Oui. Et Acidburn, c'est celui qui s'exprime par rapport avec la voix. Donc, celui qui chante et qui rappe. Bah écoute, super. Est-ce que je peux lire ta présentation sur... Oh, bien sûr, avec plaisir. À propos de moi, un humain comme un autre, avec ses problèmes, avec lesquels il apprend à vivre avec ceci. À vrai dire, tout va pour le mieux depuis peu. J'ai un bon suivi psychologique, des proches qui sont là, et finalement, ont toujours été là pour moi. J'ai enfin accepté qui j'étais, et parler de mon mal est très profond. Mon univers musical est très varié et c'est ce que je vous propose aujourd'hui et dans le futur. C'est de m'accompagner dans cette aventure musicale. Amour et paix sur vous. Information importante. Je prépare un nouvel album qui se nomme Deep Rehab. C'est ça, hein, Deep Rehab. Je n'ai pas encore une date pour la sortie, mais ça arrivera, c'est promis. Voilà. Ouais, super. Stylé. Bravo, ouais. Ouais, bon, un plaisir de découvrir des gens comme ça à la radio. Merci beaucoup, merci. Merci, oui, infiniment. On va te souhaiter, tu vas avoir un super succès, ça se voit. Et déjà, ta démarche est super honnête, et super, tu vois, vraie, franche. Et je pense que si tu tiens ces quatre, tu vas y aller loin, quoi. C'est gentil, merci beaucoup. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Je remercie tout le monde dans cette salle. Je remercie de m'avoir accueilli, d'avoir mis en place cet atelier. Shout out furtif. Ouais, voilà. Et merci infiniment. On a encore une heure 15. Tu peux me là ou sinon tu peux me silence là. Voilà. Parfait. On est encore une heure et quart de radio. En fait, on est sur les ondes. Voulez-vous écouter de Pinot de Trichy? Et on va. Alors, je suis très touché. C'est super ce que tu fais. Hein. Bravo, vraiment bien. Et je suis très touché de découvrir des gens comme vous. Des artistes purs et vrais, quoi. Ah, ça fait du bien. Attendez, si tu fumes d'ailleurs, c'est mieux. Ton cigare, c'est bon. Okay. Faut fumer d'ailleurs, par contre, parce non, que. Non, mais je ne fume pas à l'intérieur. Hein. Tu as raison. Bien, bien. Parce que je vois. Oui. Mais tu voulais dire quelque chose, là. Moi, c'est Furtif de BKF Sheet, Joy Castle et Worldwide Boys. D'accord, Furtif. Et là, on va peut-être laisser la place un peu aux infirmières qui veulent nous parler un peu Comme ça, tout ce que vous dites, vous disiez tout à l'heure, vous pouvez le dire à haute voix et on écoute à la radio. Hein ? Je vous passe un micro. Voilà. Tranquillement, hein, y a pas de pression. Allez-y. Bon, on a la première fois assisté à cette émission et on a découvert des artistes qui créent des albums, qui chantent, qui s'expriment et je trouve que c'est formidable. Et oui. C'est surprenant aussi d'entendre des voix, des belles voix. Oui, c'est de belles voix, des vraies compositions. De Et de belles paroles aussi dans leurs chansons. C'est très belles paroles. Une honnêteté incroyable. Moi, oui. Ce que j'aime bien, je fais des radios dans différents endroits, mm-hmm. et des sons, mais ce que j'aime bien de la radio ici, c'est qu'il y a, il y a quelque chose du vrai. Oui. Et quelque chose de comment dire, qu'il n'y a pas de semblant. Oui, c'est quelque c'est chose sincère. Voilà. Il y a le docteur Eros qui arrive aussi à nous faire aussi un... Il va nous parler de ses nouvelles pensées de cet après-midi. Le docteur Eros, c'est quelqu'un qui est no-cape. Faut que tu parles au micro. Docteur Eros, une personne no-cape. No-cape. C'est quoi no-cape? Ça veut dire qu'il ne porte pas de chapeau, il porte... No-cape. Il porte, ouais. Ni de, il porte rien sur la tête. Handicap. Non. Non, no cape. Okay. No cape, ça veut dire parler franc. Ah, no cape, je parle pas par franc. Par exemple, là, eh ben on est tous no cape. On parle tous franc. Là, on est oui. Tous, dans cette pièce-là, on est tous no cape. No cape, ça veut dire quoi? No cape, ça veut dire pas avoir de casquette. Ah oui. Pas avoir, je sais pas, c'est, en gros, c'est un langage en Amérique, ça veut dire... En mode sans filtre. Par exemple, là, c'est sans filtre. Vous voyez? C'est tout. C'est parler sans filtre. Voilà. Docteur No Cape. Docteur Eros. Eros. Eros, ici à la radio, c'est Eros. Tu voulais dire quelque chose? Non, j'ai rien à dire, aucune inspiration particulière. Mais c'est bien de voir... Le club s'agrandir, de voir la pulsion de vie un peu s'étendre dans le couloir quand même, sur la terrasse, les plantes, on va vaincre Darkwador. Non mais c'est vrai, hein, vous étendez tout doucement, c'est vrai que quand on le fait à une ou deux personnes, c'est dur, mais quand il y a tout un groupe qui veut se répandre un peu de la joie, c'est plus facile, c'est un peu comme dans Yellow Submarine, quoi. Ben, ceci dit, le contraire est aussi possible. Hein, il peut y avoir des... Là, c'est encore plus facile de répandre la non-joie dans un monde de clarté et de fleurs, comme dans Yellow Submarine. Voilà. Donc, bravo, hein, ce que vous faites tous là. Vous venez chanter une chanson ? Bon, on a un bel programme. On commence dans 10 minutes, c'est le direct. Angélique, tu viens nous chanter? Tu vas nous chanter quelque chose? Mélissa, tu vas le chanter, mais... Tu peux nous chanter ce que tu veux. Tu prends un micro, tu nous chantes. Soit tout de suite, on n'a pas de coblé là. C'est pas, tu peux laver. Tout de suite ou dans ce... Dans 10 minutes, c'est en direct, mais tu peux aller tout de suite. Parce que... Dans 10 minutes, si tu veux, dans 10 minutes. Mais tu peux? D'accord. Tu cries comme ça, crie Mélissa. Non, parce qu'on n'a pas. Mélissa! C'est bon, ok, on va faire ça. Non, mais c'est bien parce que la radio, vous voyez, il y a ça traverse, il y a les infirmières, les psychiatres, les directives, les étudiantes. Mais j'aimerais bien que vous nous parliez de votre sujet en fait. C'est l'hygiène de vie, l'hygiène de l'alimentation, c'est tout. Si vous pouvez aller au micro, ça, les gens... Parce qu'ils sont intéressés, les gens, à la radio, mine de rien. Là, ils me disent par chat interne qu'ils veulent savoir un peu plus d'hygiène de vie. Vous voulez parler ? D'accord. C'est moi, je fais ça. Pareil, bonjour. On vient faire ceci, on va faire ça. Tu peux ou pas? Ouais, mais au micro. Trop gênant, en fait. Trop gênant. Je dis quoi? Je dis bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors nous sommes trois étudiantes infirmières. Nous sommes là pendant 3 semaines. On appelle ça un service sanitaire. Notre sujet est sur l'alimentation en psychiatrie. Oui. Pas si je rentre dans les détails. Voilà, on s'intéresse sur les connaissances des patients. Tu peux prendre le micro là-bas, il y a plusieurs micros. Vous avez des questions? C'est des questions, Alain? Sur l'alimentation. C'est quoi les aliments qui rendent raisonnables? Les aliments qui rendent raisonnables? C'est-à-dire? Qui rendent raisonnables? Non, ça n'existe pas, les aliments qui rendent raisonnables? Ah. Si. Enfin, avant que l'infirmière parle, par exemple, on pensait avant que la forme de certains aliments contribuer à ton développement de l'organisme. C'est pour ça que les noix... C'était bon pour ça. Ouais, oui. Ça ressemblait à un cerveau. Et vrai. Les kiwis, c'est bon pour la calvitie parce que ça a des cheveux. Oui, c'est bien, les fruits. Et les... Ce qui est bon pour la santé, c'est une bonne hygiène alimentaire, déjà. Si vous mangez bien équilibré, quotidiennement. D'accord. Bien sûr. Après, équilibré, mais ce que vous aimez aussi. C'est... dans les deux sens. Et si on aime les burgers frites, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. On a droit de se faire plaisir quand même. On grossit quand même. De temps en temps. Pas tous les jours. Excusez-moi. Nadar, vous voulez parler. Oui, mais pas tous les jours, de temps en temps, on se fait plaisir. C'est vrai. Pas grave. C'est vrai que l'alimentation, c'est de la base. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas, mesdames les infirmières, une alimentation qui soit plus propice pour les gens qui prennent des médicaments comme ici? C'est vrai que oui, il y a les effets, il y a les effets secondaires des neuroleptiques. Enfin, oui. Indésirables, oui. Des traitements oui. Qui donnent faim, qui font grossir, qui... J'ai le juice. Des fruits et des légumes. Déjà, oui. La base, c'est un régime alimentaire équilibré, fruits et légumes, boire beaucoup d'eau, une activité sportive régulière aussi. C'est en lien, en fait. Ouais. Tout est lié. L'activité physique. Je crois qu'on m'entend. Ouais, là on vous entend, mais là. C'est les Japonais qui ont inventé le baseball. Oui, oui, oui, c'est bon, je pense que oui, c'est, enfin, c'est pas tu trop. Tu savais? Non, je savais pas. Allez-y, on vous écoute. Oui. Vous pouvez parler, vous pouvez chanter aussi, hein? Non, chanter? Non, ça va aller. Et... Allez-y. Dans 5 minutes, on a les programmes. Hein. On va. Et vous savez qui a inventé le scalp? Le quoi? Le scalp. Le scalp. Scalpé. C'est dur ou quoi? Le durag, tu veux dire? Le scalp, scalpé. Vous savez pas c'est quoi? C'est dur ou quoi? Scalpé. C'est quoi scalpé? Bah, pendant les Indiens, tout ça, ils scalpaient les gens. Ah, c'est rasé? Non, ils enlèvent le cuir chevelu. Voilà, ils enlèvent le cuir chevelu. Ah, mais... Moi, je pensais que c'était les Indiens. Et en fait, c'est les Anglais en fait, qui ont inventé ça. Les ça Indiens, m'étonne pas, c'est les pires ordures. Les Indiens n'ont fait que reproduire ce qu'on leur faisait. C'est les Américains qui ont inventé ça. Les Américains, ou je sais pas. En fait, c'est pas les Indiens. Moi, j'ai toujours cru que le scalp, dans mon inconscient, j'ai toujours cru que c'était eux qui avaient inventé ce... Mais en fait, ils ont reproduit ce qu'on leur avait fait, en fait. Et c'était une grosse surprise pour moi. Bah oui, c'est vrai. Mais, continue. Tu peux continuer à nous raconter. On est à 3 minutes de... C'est une information que bien souvent, les gens, ils le savent pas. Et... Ouais. Dans notre inconscient, on a toujours on pense que c'est voilà que les choses viennent. Bien souvent, c'est les gens reproduisent. Oui, c'est une répétition de choses. Ils reproduisent le mal qu'on leur fait. Ouais. Et après, on leur attitre que c'est eux qui l'ont fait, mais en fait. C'est la projection pure et dure. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment l'esprit humain en fait qui fonctionne comme ça généralement. Comme miroir. Voilà. On lui fait du mal, il le refait. Miroir antisymétrique. Ouais. On miroir fait. Miroir qui est le plus méchant. Micro, ouais. Micro, docteur Eros. Bon, c'est un peu gore. Miroir qui est le plus méchant. C'est la question de. Point d'interrogation. Il y a Bruno Mars et Lil Wayne, ils ont fait un son qui s'appelle Mirrors on the Wall. J'ai une autre devinette si ça intéresse les gens. Mirrors on the Wall. Bon, on va se balancer du son là. On est à 2 minutes, à 3 minutes de direct. 3 minutes de direct, ok. Pose-le pas trop proche de l'enceinte. Des feutres là-dessous. Ouais, c'est clair. Hé hey, Vincent, tu peux bienvenue. Tu peux me la rouler. Ça va et toi? Super, bienvenue. Bon, bienvenue Vincent, on est à 2 minutes de direct là. En fait, là, je peux parler de mes peintures. Bonjour. J'ai fait des peintures. Micro. J'ai fait des peintures. Ouais. Ouais. Après les peintures, tu peux noter. Là, on est à la radio. Okay. Oui, mais on peut passer la peinture à la radio. Il va parler de la peinture. Voilà. On est ouvert là. On parle de tout. Mais oui. Ça, et en plus, ça anime l'exercice incroyable de décrire une image qui est par la radio. Tu sais, avant, quand il n'y avait pas la télé, les gens disaient ça. Hein. On est en face. Je peux vous décrire, par exemple, comme il est votre idole Fortif. Il est comment? Mon idole à ouais, moi. Ouais. C'est moi. Que toi? Ouais. Y a pas un autre que toi? Si, ma meuf imaginaire. Ma femme imaginaire. Ça s'appelle comment? Bah, imaginaire. Elle n'existe pas. C'est un grand I, quoi. Ou un I petit. I. C'est un Y. Y. Mais oui. Mais elle va exister un jour, quoi. Quoi? Elle va apparaître un jour dans la vie réelle ou ça va être toujours imaginaire? Ah, ça, c'est elle qui décide. C'est pas moi qui finance les impôts. Hein. Enfin, je veux dire, je paye pas d'impôts, moi. Ouais. Voilà, mais bon, ouais, parce qu'il y a des gens qui veulent, des fois, que l'imaginaire se manifeste et des gens qui veulent que l'imaginaire reste toujours imaginaire. Toi, tu voudrais quoi? Qu'il apparaisse un jour dans le réel ou qu'il soit toujours imaginaire? Qu'elle apparaisse un jour en réel, mais il s'est déroulé 5 ans quand même. Oui, mais ça, des fois, ça prend 20 ans, 30 ans, 40 ans. Oui, à Saproki, il a mis 10 ans avant de mettre enceinte Rihanna. Tu vois, ça, c'est rien. C'est un an dans la vie humaine. C'est juste un tour autour du soleil. Ça va, c'est pas énorme. Et on est en direct, là, sur les ondes de Pinote, là. Ça y est, il est 17h. 17h pile. C'est-à-dire qu'on est transmis, on passe sur les ondes FM à Mulhouse et à Paris. Dask, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais qu'il y ait une chanson chilienne qui soit chantée. Ouais, moi j'en ai une. Let's go, it's your chief, ICFU, aka Young Silver. Va sur SoundCloud. Mais tu t'es dit que SoundCloud... Ah, SoundCloud, si, on peut le dire, vas-y. Tape furtif. Mais attends, parle à leur micro qu'on prend du coup. Tape furtif, FVRTIF. RVRTIF. Et non V. Attends, F, Vous avez mis un V à la fin. V-F-V-R-T-I, et après ? Attends, mais j'étais là tout à l'heure, hein, t'inquiète. On va venir, tac. F-V-R-T-I-F, furtif, mais à la place du U, c'est un V. Ok, c'est là. Voilà, furtif. Mais vous avez encore mis un V. Non. C'est pas possible. Attends. Ok. Bah, te fâche pas, tranquille. Tranquille. Qu'est-ce qu'on met de furtif, là? Baisse. Ouais. Alors, on va écouter le premier son de mon projet. Ouais. Alors, vous allez découvrir ce que c'est que la cloud music. Allô? Vous allez découvrir ce que c'est que la cloud music. Je balance le premier extrait de Young Silver, Twill Shit Bootleg Before Twill Star Volume 1. Non, ça passe pas parce qu'on est on transmet sur les ondes là. Donc ça fait une espèce de boucle qui passe pas. Donc il faudrait qu'on la passe sur un téléphone. Voilà, je vais passer sur mon téléphone. Mais vous avez SoundCloud? Ouais, on va voir SoundCloud. La prochaine fois, il va falloir qu'on les fasse, comme on avait dit, sur. Parce que comme on émet en même temps sur l'ordi. Il y a l'image, il y a les sons qui ne passent pas directement. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas connecté sur USB. Ouais, donc pour l'instant que je connecte tout ça, est-ce que toi... Oui. Attends, non, Vincent. Ouais. Vincent, parce qu'on a deux Vincent. Ouais, je sais. Vincent aussi, il est musicien, mais il va nous parler peinture aujourd'hui. Je suis rappeur, ouais, je sais pas si je suis vraiment rappeur, en fait, quoi. Prends ton micro. Ouais, là, c'est en direct ? Oui. Bah en fait, je suis pas vraiment sûr d'être rappeur, quoi, en fait. Je suis peut-être rappeur, je suis peut-être pas rappeur, quoi, en fait. Comme, en fait, j'ai 17 chansons. Oui. Mais sur les 17 chansons, les gens, j'en connais même pas une par cœur, quoi. Mais c'est pas grave, ça. Et en plus, c'est des faces B. C'est même pas mes instrus, en fait. Et en plus, si j'étais connu, comme je crois, en fait, et bah, y aurait des gens qui viendraient à mes concerts ou venir, il y aurait des fans qui viendraient pour me dire, oui, c'est toi, quoi. Ouais, mais des fois on est ouais, ça met du temps. Il y a des gens qui sont connus après leur mort, même, tu vois. C'est pas... Connu, c'est ta raison, hein, ça met du temps. Même 20 ans, même. Plus. Ça fait combien de temps que tu fais ça, Vincent? Ça fait 25 ans. Tu fais des concerts publics? J'en ai fait un en 2003. 23 ans. En 2003, j'ai fait un concert devant 400 personnes. On va balancer du son. D'accord. D'accord. Oui. Et donc tu dis, tu chantes quoi? Tu chantes? Ouais, je suis un rappeur, ouais. Ah, tu... Ouais, je rappe, ouais. D'accord. Tu vas nous faire un extrait tout à l'heure ou... Ah non. Ah, tu... Non. Oh, je crois qu'il est temps pour moi d'arrêter le rap. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu veux arrêter les rap? Je vais arrêter le rap là, parce que c'est pas... Mets le micro. Parce que ma mère, à chaque fois que j'ai ma clé USB, ma mère elle la prend, elle la range quelque part, quoi. Alors, et en fait, elle arrange quelque part, je la trouve pas, quoi. Alors, maman de Vincent, arrêtez de cacher le rap de Vincent. Vous entendez la radio, madame? Arrêtez de cacher la clé USB de Vincent, parce que lui, il doit faire de la musique pour la radio Metanoia, s'il vous plaît. Ah ouais. Tu crois qu'il a entendu? Peut-être. Ah, peut-être, oui. Bon, allez, je rappe un peu, alors. Vas-y, rappe. Mais tu as quoi? On n'a pas des... Attends, il faut qu'on mette des instrus, si tu veux. Mais il faut qu'on trouve. Mais... Oh non, j'ai pas envie de rappeler. Tu voulais nous parler de la peinture d'abord? Moi, je fais de la peinture aussi, c'est vrai. Bon. Mais aussi, après, l'autre Vincent, on va faire une différence. Vincent... Bon, les peintures, ça s'annonce bien parce que j'en ai vendu 6 en 2 semaines, à 10 euros pièce. Oula. J'en ai même vendu... C'est de la bonne peinture, ils ont dit. Hein. Ah, okay. Là, regarde, je peux te parler de la peinture pendant longtemps, quoi. Ça fait un peu depuis que je suis petit, mais j'ai des longs breaks. Ah oui. Ça c'est un mélange de cubisme et d'impressionnisme en fait. Ah oui, tu peux nous décrire un peu. Ouais. Ça en fait, c'est une peinture que j'ai faite. C'est un mélange de cubisme à la Pablo Picasso. J'ai pas la prétention d'être comme lui, mais lui en fait c'était du cubisme et de l'impressionnisme en fait. Oui. Et moi, en fait, c'est un des deux, en fait. C'est entre les deux, en fait. Ça, en fait, c'est des traits d'impressionnisme où chaque trait a une signification particulière, mais je ne pourrais pas exprimer, en fait, vraiment la signification. Et en fait, quand je mets les traits droits, en fait, les traits en carré, et ben, en fait, c'est du cubisme, en fait. Et c'est un visage, hein, ça. C'est un visage. Ça, c'est la bouche, ça, c'est les yeux, ça, c'est les trucs. C'est un visage, quoi. Ah oui. Ouais. Et toi, ton signature, c'est pas Vincent. C'est Grandiaz. J'ai appelé ça comme ça. Quoi. Grandiaz. Donc voilà, tu fais pas seulement de rap, tu fais de la peinture maintenant. Je fais de la peinture et je fais je fais un sport de combat aussi. Un peu, pas beaucoup, un peu. Et quelque chose. Et ouais, je fais du rap, mais je sais pas. En fait, c'est moi qui imagine que je suis connu et tout, mais je suis pas connu en fait, quoi. On va savoir. Là, il y a des gens qui t'écoutent à la radio. Ah ouais, voilà. Bon, voilà. Et après, tu vois, on peut être connu par une personne, par 1000 personnes, ça dépend. Hein. Mmh. Ok, bah c'est bon. Mais continue à décrire. Ouais, alors il y en a d'autres, c'est des visages en fait. La prof de dessin, elle a dit en fait que j'avais mon propre style. Et ça, avec tous les dessins que j'ai. Enfin, je peux me mettre pendant longtemps à regarder un dessin. Oui. Je regarde pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes un dessin. Dans une journée, en fait. Après, j'arrête et je regarde d'une autre manière. Et en fait, après, j'ai une vision du dessin qui change en fonction du truc, quoi. Oui. Et puis voilà, quoi. Donc, tu as une vision, tu vois les choses d'abord et après, tu la dessines. Comment tu fais? En fait, comme je fais de la photographie aussi. Oui. Ah oui. Vous saviez, non? Non. Bah, vous saviez que je faisais de la photographie? J'ai jamais vu. Ouais, je mais, fais la mais on te découvre, tu fais plein de différentes techniques d'expression humaine. Ouais, c'est comme ça, en fait. Je sais pas comment. C'est un talent caché. Moi-même, je savais pas que je savais faire des dessins. Ouais. Regardez, ça, c'est des dessins, quoi. Ils sont bien, quand même. Ils sont excellents. Alors, ça, en fait, c'est un paysage, en fait. Ouais. C'est un paysage abstrait, en fait. C'est-à-dire, en fait, que c'est à partir d'une photo que j'ai fait ça, une carte postale. Ouais. Et c'est un paysage abstrait, en fait. Oui, on va dire à les gens qui nous écoutent, c'est là, il y a la couleur bleue, Et c'est les couleurs qui se marient entre elles, quoi. Rouge, noir. Et Vincent, il dit qu'il est entre l'impressionnisme et le cubisme. Voilà, ouais, c'est ça. Ça, c'est l'impressionnisme. En fait, c'est l'impressionnisme abstrait, ça. Micro. Ouais, c'est un paysage impressionniste abstrait. J'ai vendu Giro, ça part. Hein. Qu'est-ce qu'on voit là? 10 euros là. Alors, le Radio Métanoïa, vous avez bien votre vie. Vous nous appelez 10 euros et vous achetez tout de suite là. Giro. Voilà. Mise aux enchères là. Après, ça va valoir cher après si j'arrive à me faire connaître, quoi. Parce qu'en fait, c'est plus facile de se faire connaître dans la peinture que dans le rap. Parce que le rap, en fait, il y a un rappeur qui perce tous les 3 ans. Ouais. Dans toute la France, quoi. Ouais. Et même, il y en a même, c'est en Belgique et tout, c'est vraiment pas possible, quoi. Voilà, donc tu peux faire les deux, hein. Tu fais des moments de rap, des moments de peinture, des moments de photo. Je sais que la peinture, il y a beaucoup plus de gens qui arrivent à en vivre. Par exemple, on peut aller sur un site qu'on va montrer et leur envoyer des cryptographies, c'est ça, je sais pas comment on appelle ça, des photocopies à couleur. Oui. Et après, ils peuvent dire oui, c'est bien, et on peut gagner sa vie comme ça, quoi. Ouais. Bah, voilà. Si déjà tu as vendu 6 tableaux en une semaine. En 2 semaines. Ouais, un crypto, c'est quand quelqu'un vient refaire ton dessin, en fait. Tiens, tu veux parler, vas-y. J'ai pas grand chose à dire. Mais je sais pas si tu faisais référence à la crypto au niveau des œuvres d'art qui est. Une tendance actuelle, comment j'ai oublié le nom, les NFT, voilà, merci. C'est de ça dont tu veux parler? Ouais. Les NFT, c'est vrai que c'est une tendance. Après, c'est comment dire, assez compliqué parce que c'est des investisseurs qui investissent sur tes œuvres. Ah ouais. Et c'est vrai que ça peut marcher, c'est toi et ta chance après. Ouais. Mais en fait. En fait, ce que j'ai réalisé, en fait, moi, il y a pas longtemps, ça m'a pris du temps avant de réaliser, c'est qu'en fait, j'avais un réseau, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'allais souvent sur Paris, en fait, faire un tour, parce que comme je fumais la clope, en fait, il fallait que je me détende pour je faisais de la marche à pied. Même d'ailleurs, j'ai mal aux jambes maintenant. Je faisais de la marche à pied pendant une heure, tous les jours, pratiquement, pendant des années. Et en fait, j'allais dans les beaux quartiers, je prenais des contacts sans m'en rendre compte, quoi. Et en fait, j'ai un réseau de riches, hein, je crois. mais j'ai pas leur nom et j'ai oublié leur visage, quoi. Mais c'est des riches, quoi. C'est dommage, oui. Bon, voilà. Ça y est, c'est ce que j'avais à dire. Donc après, s'ils me connaissent, après, peut-être qu'ils peuvent acheter ou... Oui, on passe. Tu passes ton annonce, tu dis comment t'es contacté. Tu veux dire, Vincent, tu veux réincarner ou quoi? Bah pourquoi tu dis ça? Parce que c'est la vérité. Ça veut dire quoi la réincarnation? Ça change juste couleur. Hein? Ça change juste couleur. Non, en fait, je suis resté au soleil, j'ai bronzé en fait. Ah, t'as un nouveau peuple. Hein? T'as un nouveau peuple. Je suis resté au soleil, j'ai bronzé en fait. Il y a deux micros là. Ouais, ça, mais Ignacio, tu peux parler de la réincarnation, au système solaire, tu as des choses à dire. Mais viens nous dire à la radio. Ce qu'il faut parler, bon. C'est de l'avortement. Attends. L'avortement. Ça passera pas cette loi. Et Ignacio, moi j'aimerais bien entendre ce que tu as à dire pour les soleils, sur les systèmes solaires à la radio. L'avortement. Vas-y Ignacio, parce que tu as la colonne système solaire, Ignacio, là. De quoi tu veux parler aujourd'hui? Allez-y, monsieur. Viens, parle librement, là. On est à la radio, ouais. Liberté. Moi, je voulais dire, si vous voulez savoir, si vous voulez savoir tout sur le système solaire, vous écrivez tout entièrement sur Internet, mot par mot ou parole par parole. Et ben, ça donne ça. Sur Google Chrome ou e-Google ou je sais pas, des comme ça, ça fait ça. Ça vous donne des renseignements dessus. Oui. Donc, c'est mon sens d'univers aussi. Oui. Firefox, Mozilla Fox, des trucs comme ça, ouais. Ouais, Safari, non? Mais ça, c'est plutôt l'univers, ça. Oui. Et c'est quoi la... Ce qu'ils disent, mais nous, on ne connaît pas, nous, quoi. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas que tu peux nous... Moi, je connais plutôt le système solaire. Oui. Ce qui est Ré, Ra, Oarti, Osiris. Apophis, Osiris, Memphis... Dis comme ça. Tous les Égyptiens, quoi. Les Égyptiens, oui. Ouais. Ouais, toi, tu es Égyptien et Vincent est plus hindou, l'Inde. Je suis indien. Ouais, vas-y. Non, mais lui, il pose beaucoup à la réincarnation. Toi, je lui parle de ça. Bah, ouais, moi, je pense beaucoup à la réincarnation, ouais. C'est vrai. Bah, allez-y, on peut parler de la réincarnation, là. Ouais, dis pas, vas-y. Bah, en fait. Des fois, il y a l'impression qu'il change. Prends le micro. Des fois, il y a l'impression qu'il change de personnalité. Oui. Et que des peuples le reconnaissent ou le reconnaissent pas. Ok, écoute, listen. Laisse parler. C'est ça ou pas, Vincent? Non, en fait, la réincarnation, en fait, c'est... Des fois, toi, t'as l'impression qu'il y a des gens qui te reconnaissent, il y a des gens qui te reconnaissent pas. Ouais, c'est vrai. Il y a des fois, ils me prennent, ils disent, c'est pas lui, quoi. Ils me disent pas bonjour, ils disent, c'est pas lui, quoi. Et des fois, je vois des gens dans le bus, ils me disent, ah, c'est pas Vincent, et après, ils partent, quoi. Mais c'est vrai, hein, mais c'est vrai. C'est vrai, tu sais, toi, Latino. Mais c'est intéressant le sujet de la réincarnation. C'est super intéressant, ouais. En fait, la réincarnation, en gros, c'est quoi? C'est le karma, en fait. En fait, le karma. Ouais, ok. Le karma, en fait, c'est quoi? C'est tout ce que t'as fait, tout ce que t'as fait de bien ou tout ce que t'as fait de mal. Il y a une espèce de balance entre les deux dans toute ta vie, en fait. Et en fait, au moment de ta mort, en fait, tu vas revenir. Soit tu vas être réincarné dans quelqu'un de bien. Ou soit de mal, mais c'est complexe en fait. C'est-à-dire que tu peux être réincarné dans un animal ou dans un arbre ou dans un... Et c'est la réincarnation. Une plante. Non, mais... en gros, pour faire simple, le karma, c'est fais le bien, il t'arrivera du bien. Fais le mal, il t'arrivera du mal. Non, c'est pas ça. C'est plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe. En fait, il faut savoir que... pour moi, en tout cas, quand je me suis... comment dire, intéressé à la réincarnation et à la spiritualité, je sais qu'il y a, on est dans le samsara. Le samsara, c'est l'univers et on a tous un cycle de réincarnation. Et chacun de nous a ses torts ou a ses choix, son chemin de vie à faire. Après, il y a aussi l'éveil, le stade de l'éveil. Et du coup, dans le samsara, là, dans le monde dans lequel on vit, donc là, selon les traditions bouddhistes et les traditions tibétaines aussi, selon nos actes, selon ce qu'on fait, on a, comme a dit Vincent, une possibilité de se réincarner en tant que plusieurs éléments, que ce soit un arbre, une plante, un animal. En fait, il y a plusieurs mondes. Il y a le monde des humains, notre monde à nous. Il y a le monde des animaux, le monde de l'enfer, le monde du paradis, enfin, des illuminés, des éveillés. Et chacun de nous a cette capacité en nous de s'éveiller. Mais c'est un chemin spirituel. Il faut savoir, se documenter et s'intéresser à ce sujet. Et chacun est libre de le faire ou pas. Donc voilà, le samsara, c'est le samsara. Ouais, ça lui parlait. Hein. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, ce que quelqu'un m'a expliqué subtilement, en fait, c'est que quand on est sage, qu'on atteint le nirvana déjà. Quand on atteint le nirvana, eh ben, on vit éternellement. C'est mon père qui m'a dit ça, quoi. Moi, je sais pas, mon père, il a 81 ans, il en a vu des choses, quoi. Il a dit que quand on atteint le nirvana, la sagesse, le truc, on vit éternellement. Et l'éveil, en fait, c'est au-dessus de la sagesse, en fait. C'est qu'on reste sans penser pendant une demi-heure. C'est vraiment un truc, vraiment, quoi. Et donc, voilà, quoi. Et donc, après, on a des choses qui partent, ça, en fait, ça passe que par un très long travail sur soi, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des qualités qu'on n'a pas, qu'on commence à avoir, quoi. Et en fait, c'est bien par rapport aux gens qui ont des problèmes psychologiques, parce qu'en fait, c'est comme j'ai un ami à moi, en fait, il fumait la clope. Quand j'avais, il y a 10 ans, je le voyais, il fumait, il me prenait tout le temps la tête, ouais, je fume, si j'en ai fumé, il se prend la tête avec ça. Et quand je l'ai revu il y a 2 semaines, il a arrêté. Et moi, je lui ai demandé, alors t'as arrêté de fumer la clope ? Et il m'a dit, ouais, j'ai arrêté, ça fait 2 ans. Mais je savais qu'il avait arrêté, en fait, moi. Sans lui poser la question, j'ai posé la question comme ça, mais je savais. Parce qu'en fait, les gens qui sortent des maladies et des addictions, et comme ça, c'est des gens, en fait, qui se prennent la tête. Et tous les gens qui vont dire, ouais, tous les gens qui ont des problèmes, qui galèrent avec des trucs relous, c'est parce qu'ils se prennent pas la tête, en fait, quoi. C'est comme ça que je vois les choses, quoi. En fait, c'est vraiment lâcher prise sur ce qui nous tourmente. Mais ça, c'est un long chemin à faire. C'est un très, très long chemin à faire. Il faut beaucoup de force pour le faire. Et comme l'a dit Vincent, le nirvana, l'atteindre, c'est atteindre l'éveil. Et c'est atteindre aussi si je peux dire ça comme ça, l'immortalité. C'est atteindre l'arrêt du cycle de l'incarnation. C'est être totalement dans l'univers, être tout ou rien, on est tout. Moi, alors j'ai sorti un bootleg. Tu peux me prêter ton micro au ciel ? Alors j'ai sorti un bootleg. Si vous voulez, on peut balancer ça tout de suite. On peut mettre l'intro. Un peu à ta musique, comment tu travailles. Ok, c'est de la cloud, c'est de la tuile. C'est du hip-hop à fond, underground, underwater, water, squashy. Tu dis que la cloud, c'est comme les nuages, c'est ça, hein? Ouais. Donc, quand tu regardes les nuages... Donc, écoute, listen. Ça, c'est mes lunettes, là. C'est à toi. Là, j'ai mis le son, mais ça marche pas. Je pense que tu les as trouvés, ça, non? Là, j'ai mis le son, mais ça marche pas. Ok, pull up. Pull up. Pull up, ça veut dire. Ouais, voilà. Ça c'est de la cloud. Yeah. C'est ça pouf, y'a ça part sur nous. Mais j'entends pas dans la bouche pleine. Restez bloqué sur la boom bap. Moi je rappe sur tout, je suis un solitaire. Dans le château plus de fumée que d'oxygène. Je suis sous l'olivier, je fume de l'olivette. J'ai pas mon permis, je roule les yeux fermés. Au lycée, je vais pas m'arrêter pour des policemen. Tu m'appelles, je suis pas là. J'étais en train de pêcher des gros billets. J'ai pris le sable de Gavard. Tu m'appelles, je suis pas là. Je suis sur une autre planète. Jette la ligne dans la canette, t'es fil sable de gara. Tu m'appelles, je suis pas là, j'allais, je suis sur une autre planète. Jette la ligne dans la canette, t'es fil sable de gara. Tu m'appelles, je suis pas là, j'allais, je suis sur une autre planète. Jette la ligne dans la canette, t'es fil sable de gara. Tu m'appelles, je suis pas là, j'allais, je suis sur une autre planète. Jette la ligne dans la canette. J'entends R, j'suis dans la soucoupe. Et je surprends ses fesses. En fait, quand j'suis fait, j'pense à le refaire. Ça fait poup poup. J'entends des petits scopes. Et j'entends R, la soucoupe. Et je surcoupe ses fesses. En fait, quand j'suis fait, j'pense à le refaire. Ça c'était juste l'intro. Y a moyen d'enchaîner sur Western. Non, non. Après, parce que là, là, je présente ma. Ouais. Effectivement. Là, on écoute furtif, furtif, furtif. Et après, c'est les Siol. Et après, c'est... Ah, bravo. C'est bon ? On peut passer à autre chose ou tu veux... Oui, on peut passer à la track suivante. D'accord. On passe à la track suivante et après, il y a Siol qui va nous montrer une chanson qui s'appelle Samsara qui parlait justement de la réincarnation et tout ça. Plus tard. Ça te dérange pas ? Oui, après on a 5 minutes chacun. On a encore une demi-heure d'émission, donc on a. De toute façon, parce que j'ai sorti. 5 minutes chacun. J'ai sorti, attends, je vais te dire, j'ai sorti quoi ? Là, tu as mis quelque chose. Non, mais j'ai pas fait exprès. Attendez. Oh, sinon, on peut. Ça, c'est l'interlude de mon projet. Mais que écoute, on va. J'essaie de vous présenter. On va passer Siol et après tu reviens, ok ? Mais mets le son par là. Ouais, ouais. Ok, on va écouter un autre musicien, là, Siol, qui va nous montrer une composition qu'il va. Il va le présenter. Après, on va revenir sur Fortif, t'inquiète. Ok, donc je vais vous présenter Samsara. Samsara qui justement est une musique que j'ai faite durant ma période où j'étais dans la recherche de soi et dans la spiritualité. Il faut juste que je la retrouve. Elle doit être par là. Samsara. J'ai plusieurs versions de Samsara, mais je prends la première. Tout. Désolé de l'attente, hein, je cherche. Oui, il n'y a pas un problème, on va lire rapidement le programme. Donc on vient d'écouter Furtif, hein, ce qui, enfin, c'est sa présentation, l'intro du projet qu'il va nous, il va reprendre tout à l'heure. Okay. Et là, on va venir sur Siol, qui va présenter aussi sa musique, qui apparaît aussi aujourd'hui sur SoundCloud, tu vas parler de ça aussi. Celle-ci n'est pas sur SoundCloud, pas encore, mais ouais. Elle sortira, je pense, après mon album, je pense. Vas-y, donc c'est Samsara, Samsara par Siol. C'est ça. Thank you. crois en rien, mais tout va bien. J'ai envie de lui et en fait de rien, alors oui, tout va bien. Samsara, j'abandonne mon ego et je comprends que tout est vacuité. J'aime tout, j'aime rien, mais tout va bien. Je sais tout, je sais rien, mais oui, tout va bien. Je crois en lui ou je crois en rien, mais tout va bien. J'ai envie de lui, mais en fait de rien, alors oui, tout va bien. J'aime tout, j'aime rien, mais tout va bien. Je sais tout, je sais rien, mais oui, tout va bien. Je crois en lui ou je crois en rien, mais tout va bien. J'ai envie de lui mais en fait de rien, alors tout va bien. Oui. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Super. Seul. C'est vrai ? Non, en fait, j'ai... Super, micro, micro, Seul. Il a modifié micro, sa voix. Il a mixé sa voix. En fait, vas-y, parle. Non, je n'ai pas modifié ma voix. En fait, c'était une voix synthétique. Donc, en fait, j'ai écrit les paroles et j'ai fait parler le robot à ma place. Ah oui. Et du coup, j'ai calqué la musique avec les paroles du vocal synthétiseur, donc de la partie robotique, qui disait la parole à ma place. Mais les paroles ont été écrites par moi. Donc, je suis tout, je suis rien. Je crois en lui. C'est comme un vocodeur, que c'est ça que Non, en fait, c'est un. On peut le trouver sur Internet. C'est un site où en fait, on peut écrire un texte et en fait, il le lit à notre place. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste écrit des phrases, des mots. Oui. Et en fait, je les ai enregistrés. Et ensuite, avec la musique que j'ai composée, je les ai mis par-dessus. Et ça a donné ça. Ça, moi, je trouve magnifique, non ? Excellent. Hein ? Génial. Ouais. Merci beaucoup. En fait, le message qu'il faut retenir, c'est. Tout va bien. Que tout va bien. Que tout va bien, en fait, peu importe. Enfin, le message important à retenir, c'est abandonner son ego et que comprendre que tout est vacuité. Le samsara, on l'expérimente tous. C'est le monde de la souffrance. Ouais. On l'expérimente. Ouais, mais tout va bien. C'est déjà. Je l'ai dit même Adèle là dans la chanson. Elle a dit jusqu'ici tout va bien. Elle a dit. Ils le disent. Ça c'est dans la haine. Dans Adèle aussi ils le disent. Même Booba il le dit dans sa chanson. Jusqu'ici tout va bien. Plus rien ne m'étonne, jusqu'ici tout va bien. Tu connais pas ces chansons ? Moi je sais juste que dans le film La haine. Il le dit, c'est déjà vu. En fait, là je vais rapper. En fait, si tu veux vraiment. La musique elle est pro. Mais en fait, si tu veux vraiment être pro, faut que tu aies tes propres chansons à toi, tes propres textes par rapport à tous les rappeurs qui existent en fait. Mais c'est pas moi. C'est pas moi qui rappe. Ah ouais, vas-y. Attends, mais on fait pas à part. Attends, je peux. Non, c'est juste que je voulais juste répondre à Vincent. Mais c'est pas moi qui rappe, c'est une voix synthétique. Et ce que je dis, c'est pas. Tout va bien, c'est juste. je crois en lui ou je crois en rien. Tout va bien. Tu vois. Ok, envoie ton mic. Oui, c'est. Ton mic. Attends, attends. Et c'est, tu sais, il y a un philosophe en tout, qu'on s'appelle. Un autre qui disait Samsara et Nirvana et Samsara. C'est la même chose. C'est Nagarjuna. Pas mal. Nagarjuna. J'étais plus Krishnamurti dans mon cas. Krishnamurti a essayé d'éveiller pas mal de monde dans, ce, dans, dans le samsara, mais il n'a pas réussi malheureusement, ou il a essayé, du moins. Mais c'est très dur d'éveiller les gens dans ce monde. On est tellement préoccupés et conditionnés à être occupés et être, comment dire, je veux dire, distraits par le monde en général et par le matériel, que c'est dur d'atteindre l'éveil. Bah, si tu disais une chanson à ta façon, ça c'est bien, ça. J'ai entendu. Ouais, voilà. Du coup, on continue ou... Ah, il y a des tours de table. On parle tous. Un jour, il y a un homme d'affaires, il est venu voir Bouddha. Et il a dit, désolé Bouddha, et j'ai pas de temps pour méditer. Parce que mes affaires me prennent trop de temps. Alors Bouddha, il a dit, toi, non seulement tu vas méditer une heure, mais tu vas méditer deux heures par jour, juste parce que tu es occupé. Voilà. Ok, bien vu. C'était qui? C'était qui là? Ah, c'était Bouddha là, non, au micro là, au micro là, au micro. C'était qui? C'était Alain. C'était Alain, bah oui, le Saint Alain. Je vais vous faire écouter Yves Saint Laurent, Yves Saint Olin, et après je vous ferai découvrir ma mixtape. On va faire comme ça du coup. Une chanson, parce qu'après il y a lui qui va parler de la géographie. Bah oui. Un tout petit peu, je voulais parler. Je rappe alors. Si, tu vas rapper aussi. Ah, tu veux rapper, vas-y. Ok, ok. Marina, elle va jouer la flûte. Chacun, on a 5 minutes. Ta musique, elle est bien, non? Bah oui, oui, oui. Tiens, regarde, écoute, écoute, écoute. 22 000 vues. Ah ouais, quand même, hein. 22 000 écoutes. Vas-y. Oh, cool. Ça a bugué. C'est bon? Je fais l'Occident. Ça a bugué. Qu'est-ce qu'il a bugué? Bon, c'est pas grave, car ça bug aussi. Hey, bonjour madame. Voilà, on a des visites à la radio avec des fleurs. Waouh, c'est ça, des surprises, des beautés là. Parce que là, on parle de des choses très, très importantes là. Le nirvana, le samsara, la vacuité, l'ego. Voilà, hein, c'est pas. On a des choses là à dire. Comme ça, je te montre, je t'ai expliqué. Mais moi, je voulais pas que l'autre Vincent non plus. Ça fait depuis 17 ans. Depuis j'ai 17 ans, ça fait. Ça, ce que tu veux parler, ça fait 27 ans que je rappe. Il y a deux micros même là-bas. Prends le micro. Ouais. Attends, attends, attends, attends, une seconde. Allô. Mais pause. Vas-y, vas-y. On t'écoute, Vincent. Moi, je rappe. Non, non, l'autre Vincent. Vincent, on va dire Vincent. Comment on vous distingue? A et B. A et B. Vincent A et B et Vincent... Vincent A, Vincent B. Voilà. On est dans la antisymétrie totale. Mm. Allez-y, Vincent B alors. Oh, tu veux dire un nom, ton nom de Vincent, famille Vincent Belfroy. Vincent Belfroy, voilà. Vas-y, écoute. Bon, ben, on me donne la parole. Moi, je ne suis pas dans la musique. J'aime bien la musique comme tout le monde. Moi, j'ai... d'autres sujets de curiosité. Je me suis intéressé à l'Antarctique il n'y a pas longtemps, parce que c'est un domaine, c'est une terre qui est très immense et on n'en parle pas assez. Et je me suis toujours demandé s'il n'y avait que de la glace là-bas, donc c'est peut-être pour ça qu'on n'en parlait pas. Et puis je me suis rendu compte que je ne savais pas trop la différence entre l'Arctique et l'Antarctique. Et j'ai recherché un petit peu et j'ai été très surpris d'apprendre que l'Antarctique, c'était quand même... c'est plus qu'un pays, c'est carrément un continent, on pourrait dire. Parce que la dimension de ce continent, eh ben, c'est, si je ne me trompe pas et que quelqu'un me rattrape, c'est la moitié de l'Amérique du Sud en superficie. Donc je me dis, c'est quand même beaucoup. Donc on nous dit qu'il n'y a pas de place sur la planète. Je me dis, y a un continent qui est au frigo. C'est comme ça que je vois les choses. Hein. Il est au frigo, donc je me dis, il est en train de se décongeler. Vu qu'on pense que la Terre, c'est quelque chose de vivant, pourquoi la Terre ne serait pas en train de se réchauffer, justement, parce qu'on est très nombreux et qu'il y a besoin maintenant un petit peu plus de place. Tu l'as vu le reportage sur TF1 ouais. Tu l'as vu le reportage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Micro. En fait, j'ai des pensées très imagées, comme beaucoup ici. Et du coup, j'ai imaginé des gens qui marchaient tout doucement vers de nouvelles contrées, inconnues pour beaucoup, à part les explorateurs. Et du coup, en fait, la description que vous avez faite, elle a enlevé toute cette froideur de cet endroit qui paraît glacial. Du coup, l'humanité réchauffe en fait ces lieux-là. Et je trouve ça très joli, parce que c'est à la fois très pragmatique, mais en même temps, c'est conquérir de nouvelles vallées, de nouvelles forêts peut-être, des rivières. Voilà. Je voulais dire quelque chose. En fait, pour revenir à l'Antarctique, merci. J'ai vu un reportage. En fait, on a une seconde, Vincent. Et votre nom, madame, quelle voix ? C'est une voix radiophonique incroyable. Merci, ça a apporté de la douceur, de la beauté. C'est quoi votre nom ? Alors, je vous explique. Dans le domaine dans lequel j'exerce, la voix, on en parle peu. Or, la voix, on dit que le visage est le miroir de l'âme. Mais je pense que la voix aussi, comme l'écriture, elle est unique. Elle est singulière. Ma voix, elle peut être un double tranchant, mais ma voix, elle vibre parce qu'en fait, elle suit le cours de mes idées comme une musique, comme des couleurs. Waouh ! On est Radio Métanoïa. A totalement une émission qui touche des hauts niveaux de mysticisme, sensualité. C'est comme ça qu'on va continuer. On a mis le niveau très haut. Là, je dis, c'est pas Alain, tu veux dire un truc ? Non ? Tu entends ? Je sais que tu entends. Vas-y. Je sais plus comment s'appelle la musique, enfin le nom de l'artiste, mais je sais que le nom de la musique s'appelle Paradis Blanc. Dites-moi le nom de l'artiste, s'il vous plaît, parce que je l'écoutais en boucle. Michel. Merci. Berger. Merci beaucoup. Sachez que je l'écoutais et je l'écoute dans des moments particuliers. Moi aussi. Et cette chanson, elle est intemporelle. Exactement. Elle est magnifique. Et ça parle justement de ça. Ça parle justement de ce paradis blanc qui est l'Antarctique ou qui est cette beauté en fait. Où en fait il veut s'échapper, aller voir dans d'autres horizons, voir s'il peut rester seul. Et je pense que c'est une très belle musique et je pense qu'on devrait. Je pense, ouais, comme vous avez dit, elle est intemporelle et je la trouve vraiment magnifique. J'ai ça, girl, c'est de la poésie. Moi, ce que je voulais dire rapidement par rapport à l'Antarctique, exactement. En fait, c'est que j'ai vu un reportage sur TF1 en fait, qui disait qu'il y avait le tourisme antarctique en fait, maintenant. Il y a des gens en fait qui ont fait des lieux en fait par rapport à la glace. Ok. Attends, ça s'est pas fondu en fait parce qu'il fait froid en fait. Et en fait maintenant il y a des grottes, il y a des trucs. C'est vraiment bien quoi. Et les gens en fait. Tu parles de la Russie en fait. Non, je parle pas de la Russie. Je parle de l'Antarctique. Et en fait il y a des gens qui, à l'heure actuelle qui y vont maintenant quoi. Sans compter qu'il y a de l'eau. Il y a l'Arctique et l'Antarctique. C'est l'Antarctique, c'est en haut quoi. C'est en haut que vous montez, ouais. Voilà, pureté, vas-y. Je peux lui faire écouter le son, il s'appelle Igloo. Il y a quoi dans un Antarctique ? Prends le micro. Ok, c'est quoi ? Mais hey, tu peux mettre ton code, s'il te plaît, Siol. Siol. Siol. Siol, Siol. Tu peux mettre ton code, s'il te plaît, vite fait ? Bien sûr. Bon, du coup, on parlait de l'Antarctique. Ouais. Vous voulez écouter un son qui s'appelle Igloo de Fur Chief ? Bah oui. Let's go. Augmente le son. Flex dans les clous, flex dans les clous. flex dans les clous, c'est bien le link, c'est bien le link, c'est bien le link, flex dans les clous, c'est bien le flex dans les clous, c'est bien le link, c'est bien le link, c'est bien le link, flex dans les clous, c'est bien le link. Néro, tu passes par la porte, c'est pas des lol, c'est pas de la stapor, c'est pas famille d'abord, BKFG d'abord, tu saoules sur les bords, la goutte qui déborde du raid. Fais du reste, moi tu parles pas d'argent. T'as le regard dans le vide, tu me regardes, j'aime le regard vide. J'ai pas encore baisé ta daronne comme recherche, comme Kadhafi, car ta fille passe une feuille, la pharmacie, néo, fils à fils, oui. J'ai pas encore baisé ta daronne comme recherche, comme Kadhafi, car ta fille passe une feuille, la pharmacie, néo. Bitch, l'hiver, il fait froid, j'profite de la chaleur de ta chatte. Dans les annales des bitch, j'ai des mémoires, tous ces néros dans la salle. Y'a que des rock'n'roll, hein. Les pop est né dans le Bronx, soit dans un gangbang. J'suis avec le gang gang, nous qu'à la poire, on est tous en fond. Flex dans les clous, coq, c'est bien link, coq, c'est bien link, coq, c'est bien link. Flex dans les clous, flex, coq, c'est bien link. Flex dans les clous, coq, c'est bien link, coq, c'est bien link, coq, c'est bien link. Flex dans les clous, coq, c'est bien link. Aïe, aïe, aïe. C'est l'hiver, je profite de la chaleur de ta chatte. Moi, c'est un freestyle que je vais faire. C'est l'hiver, je profite de la chaleur de ta chatte, de ta schneck. Je veux déverrouiller, s'il te plaît. Oui, c'est furtif. C'est furtif. Ah, ici, furtif. Avec plusieurs noms qu'on a. Bah, c'est bon là, furtif. Bravo, hein. Super, on peut t'applaudir là un peu. Et merci Furtif pour ça. À chaque fois, ça, un album aujourd'hui, un album par semaine, c'est bien. Et oui, il a fait un album aujourd'hui. Et là, je continue de vous présenter l'album. Attends, mais il y a, on va laisser. C'est pas long. Ouais, mais on va laisser après les temps à Vincent qui va faire un live. Après, on met le morceau de ça et après. La radio, c'est pas comme ça. Faut laisser couler. Là, on a écouté l'intro. Là, on va écouter le deuxième son d'après. Gagne mon flow comme Lucky Luke, aide-moi pas, va aider tes potos qui luttent. Je veux pas qu'on parle de WAM, mais t'arrives à les par et ça tu le fais à chaque minute. Dans la banane BKF, j'ai une mini taille de Sprite et un putain de putain de putain de 9 mm. Je dégaine mon flow comme Lucky Luke, j'me pavane, van, sol sous le montant. Tu sauras avec quoi on va te botter le cul qu'on n'a pas ton temps. J'ai fait le tri dans mes proches et remplissons nos poches. Essaie pas de t'approcher, à la limite t'auras un projet. Et c'est tout ce que t'as, putain de salope de merde, mérite. Je navigue avec une team de marine. Dans leur sac il y a de la farine pour sniffing. Crois pas que c'est pour ton anif. Sur le périph', un peu paro, tel qu'on dérive, qu'on tourne par rond. Mais ils sauront que le lifestyle que nous savons est bavon. Des chiffres et des lèvres, des chiffres et des lèvres. Des red cup et des lèvres, des red cup et des lèvres. De la weed et des terres, de la weed et des terres. Dégaine ton gun et des talons, oui ton gun et des talons. On vient western. On vient western. On vient western. On vient western. Des chiffres et des lèvres, des chiffres et des lèvres. Des red cup et des lèvres, des red cup et des lèvres. De la weed et des terres, de la weed et des terres. Dégaine ton gun et des talons, oui ton gun et des talons. On est plus en cabine que les quinfris, AGDN, évitez conflit. Quand je suis trop flex, on soit dans la buvette, ta tête dans la cuvette, tu atteins de la TDAH, tu te fais de l'argent dans mon dos comme la TVA. Parle que argent comme mes remparts, sinon balai pas à détecteur de cyan, détecteur de BH. La seule chose que t'as chauffé, c'est des pattes. J'dégale mon flow comme Lucky Luke, mais je suis plutôt du genre Skywalker Luke. Le côté brosson de la force est maîtrisé. Y'a des brunes, des blondes et des métissés. J'ai l'impression que vos vies sont des bêtisiers. Je reste furtif et souris quand j'ai le chéqué. Toujours accompagné des équipiers, c'est toujours nous les mecs les plus flex dans la sepied. Par la vie que j'ai, la couleur violet, j'ai. Je veux une chatte et des chaînes, bien plus furtif que Ray. L'amour camoufle la haine, sur mon front j'ai le M, emprisonné dans le luxe. C'est pour ça que j'ai des chaînes, mais du javel dans ta chatte, ça va être ça. Invacable, imbattable, je trouve putain d'intéressant et magnifique quand je fonce car. Des chiffres et des lettres, des chiffres et des lettres. cap et des lèvres, des red cap et des lèvres. De la weed et des terres, de la weed et des terres. Des guettes, ton gun et des tas, lui ton gun et des tas. Oi. On vient en western. On vient en western. On vient en western. On vient en western. Des chiffres et des lettres, des chiffres et des lèvres. Des red cups et des lèvres, des red cups et des lèvres. De la weed et des terres, de la weed et des terres. Des gains ton gun et des tas, lui ton gun et des tas. Oi. Oui. Bravo. C'était Furtif, son nouvel album. Voilà, merci. Et là, on va laisser la place à Vincent. Vincent B. Vincent B, Vincent Alpha, Vincent le impressionniste cubiste photographe qui va nous faire un freestyle. Ok, c'est parti. Ok, un freestyle. Tu peux mettre une musique vite fait ? Bien sûr. Ah, voilà, tu veux quelque chose ? Voilà, celle que t'as mis pour le gars. Laquelle ? Celle que t'as mis pour lui, la première. Ah non, c'était mon producteur. Ah ok. Un son, il doit. Les couleurs sont différentes. D'un être tendance, mais c'est rare d'en trouver. C'est plus de 6 ados. Je cherche même plus la perle. Voilà, on cherche. Ça, c'est la. C'est la collaboration entre les artistes là. Un rappeur. Ah, il y a Loïc qui cherche un son. Attends, pour que Vincent nous fasse un freestyle. Non, alors, New School. Hein. New Old School, school ou school. Prehistoric School ou Nirvana okay. School ou. Okay. C'est bon. Et dire qu'on me connaît ici, mais mon place tourne, mais je sais même pas ce que je fais. Je fais quoi ici? Je fais rien. À part aller voir les psys, putain. Quel monde de pute, putain. Faut que je balise trop, il faut qu'on me donne le butin. Mais j'étais du hardcore au maquillico presto. J'ai balisé très tôt. Métaux aussi, ah métaux aussi. Métaphore, métaphore, essaye d'être en forme. Allez, le texte maintenant, les gars détestent. Détestent le gouvernement. Et c'est mes fans cessent d'orchestrer notre déclin. Jusqu'au pays lointain, le mal ne cesse de triompher. Les idéaux supplessent les héros de ma ville. L'eau, la terre, les mers, les villes entières. Ils détruisent tout sur leur passage. Jusqu'en Amazonie, c'est les peuples à souffle, c'est l'agonie. Les enfants meurent en bas âge. Ça gêne certains, pendant d'autres s'en battent les reins. Ça change rien à leur train-train quotidien. Leur indifférence agace, mais que veux-tu y faire? Sinon réussir à quitter le terre-terre pour Rivoli. Arriver là, je kifferai ma vie. Ce sera l'extase, la portée aux enfants, je crois. En tout cas, ce sera autre chose, ça sera mieux que le 9-3. Car ici c'est pas Watt mais ça craint. Les petits embrouillent avec cran, les grands deals, les partent en tôle. Ça rapporte pas, ils ont pas de société écran. Aux îles Caïmans, cela part longtemps. Et l'élite la juge pour qu'elle juge soit clémente à son égard, vu de l'extérieur ça rend perplexe. La chance ça égarer personne comme ça. Deux en tôle comme ça, à part les dans un marché dans un couloir à Yep. Pendant que les riches roulent en 4x4, en 2x4-6, on dit parfois qu'on pourrait les rejoindre et construire ensemble un monde meilleur, comme les politiciens pourraient être élus. Plus personne n'y croit depuis des lustres, les événements l'illustrent. On parle peu de l'essentiel et beaucoup passent à côté de la vie. Sans autre alternative, c'est fait exprès, ils tombent dans l'engrenage du filet. Comme ces gosses qui marchent sur une tombe, les radars sont, les armées se déploient, les soldats tombent dans une embuscade. Les choses sont trop complexes pour qu'on pisse, qu'on s'alarme. J'arrive au drapeau blanc, mais le combat continue sans répit. Ok, c'est furtif, ok. Laisse la prod. Ok, on voit le mic. Ok. C'était quoi ton blaze? Vincent blague, bah Vincent blague. Écoute-moi, je fais pas de blague. Hey yo check, hein. Avec moi tu peux prendre ton breakfast. Ok, aïe. Nigga. Tu veux que je continue à freestyle parce que mon style est free. Ok. Aujourd'hui j'ai le drip sur WAM. Une petite veste Eden Park que j'ai retournée. Et je suis toujours en tournée. T'inquiète même pas. Est-ce que je peux juste vous passer un dernier son? Un dernier son. Oui, l'autre. Vas-y. C'est un. Non. Tout pour pas finir dans la moyenne. je veux juste exprimer Acid Burn, pas Siol, Acid Burn. Acid Burn va s'exprimer maintenant. Acid Burn, c'est l'autre projet de... C'est mon alter ego. Ton alter ego, voilà. Ici, la radio Métanoïa accepte alter ego, transego, réincarnation, tout ça. Yeah. Sentiment noyé dans l'amertume, même l'amertume oublie. Grâce à... C'est pas moi. Ça peut être toi dans une autre vie. Peut-être. Bah, c'est bien. Mais oui. Et mange les moustiques. Vachement bien, Vincent. Bravo. Hein. Ouais, super, Vincent. J'ai 17 chansons protégées à SACEM. Et il y a déjà des gens qui gagnent de l'argent par rapport à ma musique. Et moi, et même en un, je suis connu. Et en fait, j'ai pas d'argent, quoi. Je sais pas. En fait, en Inde, je suis connu en Inde. À Pondichéry. Je suis connu là-bas. En fait, d'ici, c'est Vincent Black. Et là-bas, c'est Black, mon nom de disque, quoi, les Indiens. Et en fait, je suis connu parce qu'en fait, quand on va sur mon Facebook, en fait, il y a un joueur de foot, mais il y a aussi comment ça s'appelle, un chanteur, des chanteurs. C'est une famille de chanteurs, en fait, quoi. Vas-y. C'est une famille de chanteurs. C'est super, on va aller. Alors, les amis en Inde, là, si vous connaissez Black, envoyez-nous de mail, là, écrivez-nous sur Pinot ou appelez au téléphone, là. Voilà, on a besoin de contact, là, on est isolé ici. On fait de la musique. Là, docteur Eros, tu veux parler ? Oui, c'est pour vous parler d'un film qui s'appelle Sugarman. Vous l'avez vu peut-être ? C'est l'histoire d'un... Sugarman. C'est un gars justement qui est là, je ne sais pas, à Détroit, aux États-Unis. Oui, c'est en Afrique du Sud, mais là, il habite. Et c'est un ancien... c'est un ancien chanteur, guitariste et tout. Et puis à un moment, il a eu sa période de gloire, mais lui, il ne le sait pas. En Afrique du Sud, il est hyper célèbre. Donc en fait, un jour, on organise, on sait qu'il est vivant, on le retrouve par Internet. Et du coup, il débarque et c'est le stade. C'est un stade entier où on l'attend et tout le monde l'attend. Et parce... non, parce que. Même pas. Il débarque là-bas, donc sa fille se marie. Le seul truc qui change, c'est que sa fille se marie avec le manager et du coup va habiter en Afrique du Sud, je crois. Mais lui, il continue sa vie. En plus, personne ne le croit quand il dit mais vous savez, je suis célèbre. Et je suis allé en Afrique du Sud et en fait, là-bas, quand je suis arrivé, tout le monde me connaît. Mais, alors quand il revient à Chicago ou à Détroit, il lui dit allez, reprends ton marteau, continue à faire les chantiers, ne nous emmerde pas avec ton délire. Et après, il revient et rien n'a changé. Mais en fait, ce qui a changé, c'est que sa fille s'est mariée avec le manager et que, en fait, c'est vrai. Et c'est trop beau. Ça s'appelle Sugarman. Vous pouvez le regarder. C'est trop tendre. Sugarman. Bon, il y a une belle chanson. On peut retrouver sur Internet. Sugarman. Bon, on a 4 minutes. Siol, 2 minutes. Et puis après, il y a Alain, 2 minutes. Et on finit Radio Métanoïa. Merci. Alors, mais voilà. C'est Siol. Et du coup, je vais vous présenter aujourd'hui, maintenant, tout de suite, le projet d'Acid Burn Revival. Et du coup, Acid Burn, c'est mon alter ego et c'est celui qui va rapper sur cet instrumental qui est de la drill. Ok. Je balance ça. Incivilité, irresponsabilité. Acid. Acid burn. Ce qu'elle est. Acid burn. Acid burn. Que des incivilités dans ce bas monde. J'accuse pas les enfants. J'accuse les parents. Laissez vos enfants traîner dehors. Irresponsabilité, incivilité. Si vous n'êtes pas prêt des parents, n'en faites pas s'il vous plaît. Un enfant ça a besoin d'affection, c'est important. Respecte-le, respecte ton enfant. Ne le touche pas. Touche pas son corps, respecte-le. Si tu l'aimes, si tu es quelqu'un de sain, ne le touche pas. Je plains les parents qui laissent les enfants dehors. À la merci de ce bas monde. Ne venez pas vous plaindre si votre enfant devient un délinquant. Ne venez pas vous plaindre si votre enfant devient un délinquant. Un enfant, ça a besoin d'affection, d'amour et de parents. Ok, so. Bonsoir, je vous présente une grande chanteuse qui vient du Chili, qui va nous interpréter le titre de son choix. Super, hein, Ciola, bravo, hein. C'est Acid Burns, c'est ça? Ça, c'est Acid Burns. Super, hein, incroyable. Vous aussi, c'était vachement bien. Ouais, non, mais là, c'est la talent, tout ça. Non, bon, en fait, moi, Marilla, tu as une minute, vas-y, vas-y. Une minute. Minute, Radio Materia. Ah ouais, ok. Ok, quelle chanson? Chanson pensée. D'accord. Et c'est une chanson très TH, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Princesita linda de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. Y ve si me quieres como yo te adoro, si de mí te acuerdas como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino que en tu suave risa parece decir: yo te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, tanto como entonces, siempre hasta morir. Y se finit. Ouais, bravo. Radio Metanoia, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Okay.